Castro, Moninga ya Flori, Kunku, Géant Géa Tasse, la bière de Play, Jonah Joe. Il est vraiment le baron de Londres, qu'il s'appelle Fidel Castro. Olingo yangai na ye makasi, lokola lembo ya division. Bamuna basala ki campagne, bakabola hanga ina yo. Okoma na ngambo na bango, bongo na sima basekanga. Jenny Semula, Jisengina, Didier Omeyonga, Naki Omeyonga, ambassadeur Jolé Bakiala, Ipey Diego Kao. Il est vraiment le baron de Londres, qu'il s'appelle Fidel Castro. Bolingo yangai na ye makasi, lokola lengo ya division. Bamuna basala ki campagne, bakabola hanga ina yo. Okoma na ngambo na bango, bongo na sima basekanga. Fidèle, fidèle Castro, de Casoyo le baron de Londres, je nomme na motete na ye, kito pombongo bilamba bako kufela. Sami Mikobi, ya Georges Rivadelo Pipo. Fidèle, fidèle Castro, de Casoyo le baron de Londres, je nomme na motete na ye, kito pombongo bilamba bako kufela. Harry Wolf, la référence est Masaki Charoufa, Maloubo Moka Monfleury. Tanda Esala Kangayo, Tango Nana Bimaka Nanzela, Mama Naba Finga Kangayo, Kasi Nana Kipaka Nangateo. C'est que les grands japonais na Londres, erreur de Sadiki. Maka Mama Susu Oko Salaka, Esala Kamala Mupona Yomoko, Kasi Mabena Miso Yabato, Fidele. Bena miso ya zambe yo yo yo yo le baron de Londres so sola. Mera neti mambote, mera pichon ekipa makasi. Le koso kyo koza nga libale bongi malamu kola na mibale abaninga. Zoku boma libala na yo kola na Fidel de Castro nanga. Mwana mama boli moni yo yo kola tiye aye. Mwana mama molimo ni nyoyo, ola tie ae. Le monument vivant en todo kure, Jenga Shaluya, le grand prêtre. Erero sala yango yo, oboya kimobali papa yabana. Dikolo ya mbongo lelo yo angini, okomyo lela. Ewini le roi tinabo, papi jakolombo ema simba. Erero sala yango yo, oboya kimobali papa yabana. Léonie Sandoku, maman Antunette. Ma qui femme, Rifandona, Dekona Tonto Tito. Président Constant Omari, J.C. Daoni, Ovik Basakila, Dominique Kabengele. Ambi Aoundou, Béatrice Di Papi de Nef. Yuyu Kabwiku, Maïmo na Ville de Bel. Jérimba Kitarka, Gina Mateta, Rodolphe Tumba, Maria Al Capone, Lupemba, Jérémy Songo de Paloma Kema, Edo Makango, bienvenue Kousou, Aziza Makukula, Oasis Beauté Naturelle, Ida Okapi, Vietouelu Samba. Yeah!